Voilà, Barabbas, effectivement, une sacrée dimension grandiose dans leur Doomstoner. On enchaîne toujours dans l'aspect française avec Lugosi. C'est du punk hardcore, un peu mat sur les bords. Forcément, dans les grandes inspirations, on peut balancer pêle-mêle Converge. C'est le premier album de la formation française. Il s'intitule Inconsolable. C'est vrai que j'étais un peu gêné la dernière fois. Inconsolable, Inconsolable. J'avoue que je sais même pas si ça existe en anglais, parce qu'il y a des titres en français et d'autres pas. L'album est déjà dispo, on s'écoutera le titre States of Emergency, et en doublette une formation Tourangelle, un one-man band de black, dépressif black. Premier EP par un soleil noir, c'est déjà dispo, et on s'écoute le titre Viennent les jours sombres, Deuil songe, juste avant ça, Lugosi. Et c'est l'heure de la clôture de l'aspect française avec Monolith, hein, toujours une version un peu raccourcie, parce qu'on est sur du Cosmic Doom avec des titres très généreux, très longs. Dixième effort studio pour Monolith, hein, 20 ans de carrière. Cosmodrome, c'est le nom de ce nouvel effort studio, une sortie sur la label nantais Time Tombs Production. On s'écoutera le titre Soyuz parce que Monolith nous fait du KGB Cosmic Doom. C'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, doublette extrême qui nous fait voyager d'un continent à l'autre. Tout d'abord, nous aurons les Chiliens de Decrepit Cadaver, le groupe de Brutal Death actif depuis une vingtaine d'années, qui nous aura là son quatrième effort studio, Revelations. Ultra solide, hein, le Brutal Death de Decrepit Cadaver. On s'écoutera d'ailleurs le titre de l'album, c'est une nouveauté. Et une autre nouveauté en doublette avec les Chiliens. Le One Man Band chinois. Ah, oh, tu peux les crever plus loin, s'il te plaît. Le One Man Band chilien Holy Arrow. Alors, pour la faire simple, donc on est sur de l'Epic Black. Inspiré de l'histoire de la peuplade Hokkien, qui du coup vivait dans la région de Han en Chine. Donc voilà, basé sur l'historiographie chinoise, Holy Arrow. Et cet album, pourquoi sort-il en français, hein? Il s'appelle La Légende de Koxinga. Tout simplement parce que c'est une sortie sur label français antique. C'est une reissue du tout premier album, Oath of Allegiance, qui était sorti en 2016. Une reissue donc de ce tout premier album avec des titres bonus incluant un EP sorti un peu plus tôt cette année, The Siege of Fort Zealandia. Des artworks ultra soignés, c'est vrai que c'est un petit peu en train d'attirer mon intérêt là, Holy Arrow. 7 titres, 1 heure de musique. On s'écoute tout de suite le morceau Assemble the Army, et juste avant ça donc Decrepit Cadaver, c'est parti. We'll be right back. 22h26 à la pendule de Radio Béton, on va bientôt attaquer la dernière demi-heure de l'émission de ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission en direct qui tenait sagement, scolairement en 2 heures. Et c'est l'heure de retrouver pour la dernière fois de l'année 2022, l'émotion est grande, l'ami Thibaut pour le troisième et dernier focus de l'émission de ce soir. Tu ne me juges pas, je suis fatigué. Non mais c'est rigolo que tu parles d'émotion vu le groupe que je vais aborder. Il n'y en a pas. Un peu si. Du coup, dernier focus donc, de l'année, avec une formation qui nous vient d'Australie. Alors une formation, c'est un one-man band, hein. Il est tout seul, le gars qui est derrière le projet de Woods of Desolation. Il sort son 4e album. Pour situer le groupe un petit peu, c'est du post-black, avec des éléments de shoegaze qui viennent par-dessus. Un groupe qui a sorti un premier album donc, en 2008, Toward the Depths, plus cru et beaucoup plus ambiante que ce qu'ils ont pu proposer. Il est à la frontière du DSBM sur pas mal d'aspects. Que dire sur cet album? Moi j'aime beaucoup l'artwork, je trouve vraiment classe. C'est pas l'album par lequel j'ai découvert le groupe, parce que personnellement, Woods of the Isolation, c'est un groupe que j'ai découvert en 2012, par là, à une époque où je cherchais un petit peu une alternative à Alceste en fait. Et on m'avait conseillé ce groupe-là à l'époque, et c'est vrai que j'avais pris pas mal de plaisir à découvrir cette discographie, donc particulièrement l'album qui était sorti en 2011, Torn Beyond Reason. C'est vraiment un truc qui m'avait marqué, c'est un album qui est très touchant, qui est très prenant, comme l'ensemble de la musique de Woods of Desolation. Mais voilà, celui-ci pour moi a le petit plus qui fait que je reviens régulièrement sur cet album plus que sur les autres. En 2014, ils sortent As the Stars, dans la continuité du précédent, tout en rajoutant un petit peu une personnalité quand même marquée dans l'album, et des choses qui vont, enrichir les compositions, là où c'était un petit peu plus cru sur l'album de 2011-2014, on a des choses qui sont un petit peu plus riches au niveau des compositions et au niveau du travail globalement. Et donc là, on arrive sur le 4e album, The Failing Tide. Donc le gars qui est derrière le projet, donc il a un pseudonyme qui s'appelle D, donc c'est juste la lettre D. Un commentaire peut-être? Non, bon, ce sera aussi bref que son nom de scène. Ouais. Il est derrière d'autres projets où il est en solo, donc notamment Forest Mysticism et Remate. Donc j'ai pas écouté Remate, Forest Mysticism, c'est assez sympa comme groupe. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui a 2 autres projets. Personnellement, j'ai toujours adoré les visuels de Woods of Desolation, tout particulièrement le premier. Après, l'album, le 2e et le 3e, en fait, il y a 2 visuels, parce qu'il a fait un remaster récemment, où il y a des visuels qui sont vraiment superbes et qui sont plus en corrélation avec le visuel actuel. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Vraie évolution sur l'artwork. Ouais, et mais du coup, en fait, dans les remasters qu'il a fait, donc des albums de 2011 et de 2014, il a vraiment fait une cohérence entre les albums avec vraiment la même patte au niveau du dessin. Et là, ce nouvel artwork, je trouve vraiment superbe aussi. Je trouve que ça colle parfaitement à l'ambiance qui se dégage du groupe. À côté de ça, il s'est quand même appuyé avec notamment Vlad, le batteur du groupe Drunk, pour faire les sessions de batterie. Ça donne un aspect très très brut, parce que c'est un batteur qui a quand même un sacré niveau au niveau de la batterie, et c'est surtout il percute énormément au niveau de la batterie, et ça s'entend dans l'enregistrement de Woods of Desolation. Derrière moi, ça a été un groupe, en fait j'attendais plus d'album, parce que ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas fait grand chose, et là ouais, 8 ans après, on a un album qui vient un petit peu de nulle part, et moi ça m'a surpris et j'étais super content de découvrir ça. Et on s'écoute un morceau peut-être, ou comme vous voulez? Oh non, on peut carrément passer à autre chose. Pardon? Non, mais... Bien sûr, pour illustrer musicalement ton propos. Ouais. Donc toi, tu étais parti sur la Selec, Nick retrouve la souris. Far From Here, ouais. Pourquoi ce titre? C'est le titre d'ouverture de l'album, et bon, on reviendra dessus, mais comme je trouve, c'est un style qui se prête à avoir une écoute complète de l'album. J'ai souvent tendance sur ces styles-là à aller vers le morceau d'ouverture ou vers le morceau de clôture, parce que je trouve que c'est un moment qui est important quand tu découvres l'album. Et bah là, en l'occurrence, je trouvais que l'ouverture était vraiment chouette. Donc voilà. Woods of Desolation. Allez, on se retrouve pour la clôture du focus sur Woods of Desolation, dont on vient de s'écouter un extrait. Ouais, bah, terrain connu, du coup, par rapport à ce qu'il faisait précédemment, en bien comme en mal, on va dire, dans le sens où on a, voilà, musicalement, on est toujours sur cette espèce de jeu propre au post-black, particulièrement tout ce qui tire un peu sur le shoegaze, avec ce côté mi-lumière, mi-ombre dans l'approche. T'as quelque chose qui est à moitié dépressif, mais avec de l'espoir. Enfin, c'est toute cette globalité-là que tu retrouves dans Woods of Desolation, que tu as dans la scène aussi. Mais c'est bien branlé, c'est super bien fait, c'est touchant, c'est introspectif, c'est très très personnel comme approche. C'est un truc que tu dois vivre toi, au casque, chez toi, au chaud, et vivre le truc par toi-même. C'est un truc à, je trouve que c'est une expérience à vivre en solo. Bah, j'ai hâte de les voir à 15h sur la main stage 2, du coup, le samedi du Hellfest. Non merci. Ça va être chic. C'est non merci, tu vois. Même en concert, je suis même pas sûr que tu vives vraiment le truc en concert. Mm-hmm. Tu vois. Bon, déjà, c'est un gars qui est tout seul. Je suis pas sûr qu'on aura un jour un line-up, mais c'est vraiment une musique, je pense, qui se prête à être tout seul. Que dire sur ça ? Un petit point négatif, à mon sens, je trouve que c'est le chant. Il y a quelque chose qui manque dans le chant, même par rapport aux albums précédents. Il y a pas assez, il y a une espèce de manque d'émotion, je trouve, dans le chant. Il y a quelque chose qui fait froid et un peu artificiel, voire poussif sur certains passages. Et heureusement, il n'y a pas du chant tout du long. Du coup, ça te permet quand même d'apprécier le travail de composition qui, lui, est monstrueux. Mais voilà, le chant, tu sens qu'il a enregistré tout seul. Ce n'est pas forcément son instrument de prédilection dans ce qu'il propose. Et ça mériterait peut-être d'être accompagné par quelqu'un qui chante plus puissamment, on va dire, dans son truc, qui apporte plus d'émotion dans ce qu'il propose. Après, c'est loin d'être inaudible, mais il n'empêche que je trouve que le chant, il en fait un peu des caisses, et des fois, c'est... sans que ça ait un petit manque de maîtrise de ce côté-là. Voilà, dans les petites anecdotes rigolotes, quand j'ai fouillé un peu sur le groupe, je voyais les albums qui étaient très mal notés sur Encyclopédia Metalum, et là, t'avais les commentaires, tu sais, de gens qui disaient, mais non, c'est pas du black metal, 2 sur 20, 2 sur 100, tu vois. Juste parce que c'est pas du black metal. Ça me fait toujours rire de voir ce côté c'est du post élitiste. Voilà, c'est du post black, c'est trop fragile, c'est trop émotif. du coup, et je me suis dit, putain, il y a encore des gens aujourd'hui en 2020 qui ont encore ce débat-là de dire putain, c'est pas du true black metal. Tu vois. Voilà. C'est vrai que c'est bien connu, le true black metal ne transmet absolument aucune émotion. Non, bah non, évidemment. Sinon, ça serait. Voilà, le fort petit pic que je voulais lancer ce soir pour clôturer de l'année. Saler vos frites. Eh ben, reste pas trop loin, ce qu'on sait jamais. Doublette suivante, Hammers of Misfortune, tout d'abord. C'est un groupe ricain, on est sur du metal prog, un peu trash death, un peu inspiré. Overtaker, c'est le nom de leur nouvel effort studio, il est déjà dispo chez Cruz del Sur Music. On s'écoutera le titre The Raven's Bull. Et ensuite, Trilogy, c'est une formation qui nous vient de Casablanca au Maroc. Ils sortent un second album studio intitulé Uncompromised, dont s'écoutera le titre Cyberpunks. C'est une autoprod et on est sur de l'inspiration trash death moderne, groove metal, hein, où ça va pas mal chercher du côté des récents Decapitated ou autres Gojira. C'est parti, Hammers of Misfortune, puis Trilogy. 22h48 à la pendule de Radio Béton, il nous reste encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Juste avant ça, je prends une poignée de minutes pour reparler du Winter Rip qui avait lieu hier soir dans un nouveau lieu, le 37e parallèle. Pas très très loin d'ici, hein, c'est à Tournord, derrière le quartier Choiseul. Un lieu vraiment top, une soirée empreinte de réussite, hein, plus de 250 personnes. Un lieu vraiment très intéressant dans sa configuration, dans son acoustique et dans surtout tous ses potentiels, son accessibilité, etc., etc. Donc voilà, une chouette réussite pour Riposte Asso hier soir. On leur souhaite tout le meilleur pour la suite et surtout de pouvoir enfin s'implanter durablement dans un lieu qui correspond à l'échelle de leurs événements et pourquoi pas effectivement y voir arriver le Ripfest version estivale dans les mois à venir, hein. D'ailleurs je pense que tout début d'année prochaine, les premières annonces vont tomber, et justement tout début d'année prochaine, Riposte Asso nous agrémente d'une bonne soirée tutute au Bateau Ivre. Oui, complètement, et du coup ce sera le 14 janvier. Ah, je te réveille en sursaut. Ouais, j'étais parti sur autre chose. C'est le samedi 14 janvier, à partir de, ça va être ouverture, j'ai pas toutes les infos, mais c'est ouverture des portes à 19h. Donc, à supposer que le premier groupe ouvrira autour de 20h, 20h30, par là. Non. Ouais, je sais pas. Oui, 19h, j'aurais dit 19h30, 20h, un truc comme ça, ouais. J'ai pas exactement le détail du running order. On aura donc la tête d'affiche, Dragvald, qui fera sa release party à Tours. Donc, le groupe de Pagan Folk de Tours. Death. Ouais, voilà, c'est ça. De Pagan Folk, Death un peu Pagan sur Folk. Les bords, qui sort là son troisième album studio, qui a assez peu eu l'occasion de s'exprimer autour du deuxième album studio, cause Covid, cause que Lady Ghost sont tous sur des projets personnels très prenants. Et voilà, là ils viennent célébrer la sortie de leur troisième effort studio. Et pour le coup, ils seront accompagnés d'un groupe qui ne cesse de monter sur la scène nationale et on leur souhaite bientôt une ascension internationale via les voies européennes. Il s'agit bien sûr des Pue la mort de Totterfish. Qu'est-ce qu'on les aime pas, dis donc. Ah là là, des mecs insupportables. Voilà, Totter qui est actuellement en studio pour l'enregistrement de leur second album studio. Un album qui s'annonce vraiment sombre et extrême, puisqu'ils lâchent un peu cette ambiance festive pirate pour vraiment se lancer dans les recherches et creuser l'aspect musical des mythologies, de l'occultisme pirate. Donc là, on est un peu moins sur le côté festif, mais plus vraiment sur le côté folklorique sombre. Black Death dans l'approche du thème pirate. Ils avaient déjà une évolution comme ça de leur premier EP à l'album. Il y avait déjà eu un pas qui avait été franchi de ce côté-là. Et oui, ça a l'air de se profiler dans la continuité un petit peu de ce petit changement de ton qu'ils ont proposé. Et un gros travail sur les arrangements, etc. Enfin voilà, si vous suivez les réseaux de Totterfish depuis le début du mois, voilà, ils nous offrent un petit calendrier de l'avant de leur passage en studio. Et justement, ils balancent des samples, etc., etc. Enfin, c'est super intéressant à suivre. Et pour ouvrir la soirée, donc le groupe de post-black Tourangeau Tugunchka, pareil, qui a dû sortir son premier EP ou album il y a peu de temps. Donc voilà, une soirée Tourangelle qui s'annonce plutôt sympa le samedi 14 janvier au Bateau Ivre, donc une soirée riposte, première fois qu'ils s'aventurent dans ces ambiances musicales-là. On est sur du 6 balles en pré-vente, 9 balles sur place. C'est pas cher, c'est pas loin. Pense-y, l'ami. Retour à la musique avec un groupe qu'on a vu... Non, t'avais un truc à dire ? Non, c'est bon. Très bien. Retour donc à la musique avec un groupe qu'on a vu il y a pas très très longtemps par chez nous. D'ailleurs, hier soir au Winter Eve, j'ai eu l'occasion de passer une bonne partie de la soirée avec les membres de Catharsis. On va avoir des trucs extra dans les 6 prochains mois. Voilà, restez bien attentifs sur les réseaux, que ce soit les nôtres ou ceux de Catharsis, plein de chics annonces, même s'ils ont déjà balancé Year of No Light dans les mois à venir, alors que ce que veut le peuple, c'est Year of the Knife. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas leur en vouloir. Terror Hammer, c'est le groupe de Speed Trash Black que Catharsis nous a offert il y a quelques semaines en live. Gateways to Hades, c'est le nom de leur nouvel effort studio, une sortie Osmose Production. On s'écoutera le titre The Interceptor. Et en doublette avec eux, Stabbing, le groupe de Brutal Slam Death qui nous vient du Texas, composé de deux types et deux nanas, dont une vocaliste qui enfonce brutalement et proprement. Extirpated, Mortal Process, c'est le nom de ce premier effort studio longue durée pour Stabbing, une sortie Comatose Music, et on s'écoutera le titre Final Flesh Fist. Picking in your brain, it's underneath all the rules are. 23h tapante à la pendule de Radio Béton, il nous reste une poignée de minutes ensemble, on va se quitter avec une petite doublette grind venue de Malaisie, Compulsion to Kill, du grindcore, voilà, le groupe sort là son nouvel effort studio, c'est le deuxième album, Exhumed Carcass of Reality, voilà, il n'y a rien de plus à dire, la liste des titres est interminable, plus de 20 morceaux pour une durée totale de 24 minutes, on a quand même des morceaux qui s'appellent Rock à Gogo, c'est absolument parfait, à côté de ça nous avons Bastard Son, nous avons Sadistic Torment, Dead Society, ouais, c'est parfait pour ce tout simplement dernier titre de l'année 2022 au sein de Hellbanger. Merci d'avoir passé tous ces dimanches soirs en notre compagnie, que ce soit sur des émissions différées ou des petits lives sur lesquels on s'est bien marré. Rendez-vous en 2023, normalement le premier direct, ça devrait être le dimanche 15 janvier. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne fête de fin d'année, pensez bien à écouter Winter Songs de Rob Halford autour de la table. Kiss Kiss, Grave Sickness, Bastard Son, justement. Yeah.